Retour à Killybegs, de Sorge Chalandon. Avec Marc Barbet dans le rôle de Tyrone Meehan. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Quatrième épisode. Killybegs, décembre 2006. Se sachant condamné par ses frères d'armes, Tyrone Meehan, 81 ans, républicain irlandais, membre de l'IRA depuis son plus jeune âge, se réfugie dans la maison de son enfance pour y attendre la mort. Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L'IRA, les Britanniques, ma famille et mes proches. Des journalistes que je n'ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à trahir. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après moi, j'espère le silence. Belfast, prison de Crumlin, 14 mars 1943. Le dimanche, pendant la messe, les gardiens nous laissaient parler et chahuter. Alors que normalement, cela nous était interdit, même pendant la promenade. Une heure de liberté par semaine pour ne pas devenir fou. T'as eu 18 ans lundi dernier, c'est ça? Oui. Tu es le frère du lieutenant Shaina Meehan. Shaina est lieutenant? À ta sortie, Fina, tu auras le choix entre retourner chez toi ou nous rejoindre. Personne n'est obligé de rien, tu sais. Il y a bien des façons d'aider la République. Faire des études, par exemple. J'étais sous les ordres de Tom Williams. Ma décision est prise depuis longtemps. Ok. Je suis Joe et Kyle. Moi, c'est Tyrone. Rapprochez-vous, les gars. Rapprochez-vous. Lève la main, Tyrone. Je jure fidélité à la République irlandaise et à l'IRA, son armée. Je jure fidélité à Poblac na Éireann et à Oglí na Éireann. Je jure fidélité à la proclamation de 1916. Je jure fidélité à la proclamation de 1916. Et fais serment de lutter pour l'édification d'une république socialiste. Fais serment de lutter pour l'édification d'une république socialiste. Le père Alexis nous détestait. Il avait observé le mouvement qui m'entourait. Il savait qu'au milieu de ce groupe fermé, un jeune homme prêtait allégeance. Au moment de l'Eucharistie, j'étais retourné devant, à ma place. Que s'avancent ceux qui n'ont pas de sang sur les mains. Chaque dimanche, j'étais le seul à m'agenouiller devant lui. Il a déposé l'hostie sur ma langue. Corpus Christi. Amen. Sais-tu que tu viens faire promesse de tuer? En suivant Barabbas, tu condamnes Jésus. Dimanche prochain, au moment de la communion, ne t'avance pas vers l'autel. Reste avec tes complices. Mieux vaut une bonne querelle avec Dieu que la solitude. Je suis resté 28 mois à la prison de Crumlin et je ne suis jamais retourné à la chapelle. Lorsque j'ai été libéré, le 26 avril 1945, les Britanniques avaient presque gagné leur guerre et nous étions épuisés. Mon frère Shaina ressentait ce que notre père avait vécu lorsqu'il avait perdu sa guerre, quand son pays avait été déchiré en deux et ses espoirs couverts de cendres. Nous étions les enfants de ce désastre. Pas vaincus, mais désemparés. Leur guerre était finie, la nôtre continuait. Les Snaskis. 14 décembre 1956. Ah putain! C'est quoi cette merde? Ça s'appelle des ronces! C'est un peu comme leur barbelé, tu vois. On va donner des cours de botanique aux gars de Belfast. Très drôle. Il était 4 heures du matin. Depuis deux jours, l'IRA avait lancé la bataille de la frontière. Venus du sud, des unités républicaines portaient des coups aux Britanniques, puis se repliaient de l'autre côté. Pour la première fois depuis 1944, Nous reprenions les armes, et certains combattants de Belfast prêtaient main forte. Nous allons attaquer le baraquement de la police royale de Lestesky, dans le comté de Fermanagh. Nous étions une cinquantaine, couchés derrière les haies, rampant sur la terre gelée. Chaque ogre devait couvrir son coéquipier. Danny me couvrait, et je couvrais Danny. Les artificiers venaient de placer 4 bombes contre le mur de la caserne. Danny et moi étions avec eux. C'est en revenant nous mettre à couvert que nous avons plongé dans les ronces. Les visages en sang, fais voir. Oh, mais t'occupes. Attention! On va actionner les détonateurs. Ouvrez la bouche et baissez la tête. J'ai agrippé Danny. Tout volait autour de nous. Nous ne devions pas entrer dans le bâtiment, juste leur montrer de quoi on était capable. En position ! Je me suis couché, coude au sol et la joue contre la crosse de mon arme. C'était une carabine Mauser 98K. Je l'avais essayé à l'entraînement, mais jamais en opération. Un combattant avait 3 chargeurs de 5 balles. Il n'était pas question de tenir un siège, mais d'annoncer notre retour au combat. J'ai tiré ma première balle sur rien. Une ombre humaine, peut-être. J'étais mal assuré. Je détestais la position du tireur couché. Je me suis levé. Qu'est-ce que tu fous ? Iron ! J'ai tiré 4 fois, bien droit, jambes écartées comme à l'exercice. J'ai rechargé. Je ne pensais à rien. Ventre vide, tête vide. Juste la poudre et le fracas. Reste à terre, Miran ! Mais couche-toi, Tyrone ! Danny s'est porté à ma hauteur. Debout, comme moi. Un troisième s'est soulevé à son tour. Je ne voyais rien. Je faisais entendre mon arme. Nous tirions en même temps. Posez-moi. Une mitrailleuse ! On se replie ! Repli ! Notre unité est repassée au sud juste avant le lever du jour. Nous avions ordre de nous rendre sans combattre si nous étions interceptés par l'armée irlandaise. L'état-major de l'IRA avait décidé que nos balles étaient pour l'ennemi britannique, pas pour nos frères de l'état libre. Derrière la frontière, à l'entrée d'un village, le camion d'un charbonnier nous attendait. Donnez vos armes. J'ai tendu la mienne, à regret. 2 hommes les enveloppaient dans des couvertures noires. Dispersez-vous. Dispersez-vous. Des membres de l'unité sont repartis chez eux à pied, à travers champs. D'autres avaient laissé leur vélo dans le fossé. L'officier nous a serré la main, à Danny et à moi. Il prenait son temps. Il tenait à nous montrer que nous n'avions rien à craindre. Que dans cette région, la République était souveraine. Erin Gobrand ! J'ai frissonné. La dernière fois que j'avais entendu ce cri, c'était lorsque Patrick Meehan avait frappé George, l'âne du vieux McGarrigle. J'étais enfant. J'avais eu honte de mon père. Honte de cet Erin Gobrand. Cette Irlande pour toujours. Et voilà qu'aujourd'hui, elle était toute ma vie. J'ai à nouveau été emprisonné à Crumlin le 16 mai 1957, à 32 ans. Arrêté comme des centaines d'autres nationalistes, des deux côtés de la frontière maudite. Une fois encore, sans charge, sans procès, sans même l'espoir d'une condamnation. Dans ma cellule, nous étions 3. L'hygiène était animale, la nourriture excrémentielle. Nous ne savions pas si nous étions là pour 1 mois ou pour 10 ans. Captifs 1 temps ou reclus à vie. Alors, les plus faibles se sont rendus. Les plus vieux, les sans espoir. Contre une libération anticipée, une centaine d'entre nous ont renoncé à la violence. Le capitaine Shaina Meehan, mon frère, l'a fait. Il avait été abîmé par les batailles. Par la prison. Je suis un patriote irlandais, pas un communiste. Je ne crois plus en notre destin. Lira, c'est un moustique qui tourne autour d'un lion. 3 hommes pour un fusil, on va aller loin avec ça. J'ai pas peur, Tyrone. Tu le sais bien. Mais je suis fatigué. C'est tout. Notre République, nos rêves, tout ça, c'est un combat trop lourd pour moi maintenant. Je vais déposer les armes. Tu peux pas faire ça. Fais comme moi, Tyrone. Au fond de toi, tu sais bien qu'il n'y a pas d'issue. Un Mihan ne quitte pas sa terre. Ma terre ? Quelle terre ? Et qu'est-ce qu'elle a fait pour nous, l'Irlande ? Qu'est-ce qu'elle a fait de nous ? Tu peux me le dire ? Ton problème, Tyrone, c'est que tu regardes le monde depuis le bas de ta rue. Quand un vieux te fait un clin d'œil au croisement, quand un gamin t'applaudit, quand une porte s'ouvre, tu penses que le peuple entier est derrière toi. Mais dis pas ça. Mais c'est quoi l'Irlande républicaine, Tyrone Meehan ? 200 rues à Belfast ? Des ghettos lépreux à Derry, à Newry, à Strabane ? Les protestants sont majoritaires dans leur Ulster et ils le resteront. Même Dublin nous tourne le dos. Les Irlandais nous pourchassent avec la même haine que les Britanniques. Nous passons notre temps derrière des barreaux et quand nous sortons, c'est pour pleurer misère. Et qui pour entendre nos cris ? Quel pays pour nous défendre ? L'Allemagne d'Hitler, bravo ! Quelle grande leçon de politique ! Soutenir tout ce que notre ennemi combat, c'est ça ! La danse avec le diable pour le reste des temps ! Tais-toi ! Ouvre les yeux, réveille-toi ! C'est pas une bataille que nous venons de perdre, c'est la guerre. La guerre de notre père. C'est fini, petit soldat. Fini, t'entends ? Il faut renoncer, sauver ce qui nous reste, ta vie. Nos vies. J'ai envie de voir Ronia dans une robe qui ne lui fasse plus honte. Tu comprends ça ? Je veux des rires. Des visages neufs. Des rues sans soldats. Je ne veux plus de ce que nous sommes, petit frère. Arrête ! L'Irlande m'a épuisé. Elle a exigé trop de moi. J'en ai marre de notre drapeau, de nos héros, de nos martyrs. Je ne veux plus m'éreinter à en être digne. Je renonce, Tyrone. Et je sais que tu renonceras aussi. Mon frère est sorti de Crumlin en octobre 1957. Béni par maman, il a emmené Brian et Neil aux États-Unis, chez un oncle Finnegan. À Pâques 1960, lorsque j'ai été libéré, il était flic à New York et marié à Deirdre McMahon, une émigrée du comté Mayo. Pour la Saint-Patrick cette année-là, il a défilé sur la 5e avenue en uniforme avec ses collègues irlandais, derrière la banderole verte de l'Emerald Society, l'association d'entraide. Moi, j'avais 36 ans. J'ai été promu lieutenant de l'IRA. Je me suis marié avec Sheila Costello. Jack est né un an plus tard, le 14 août 1961, notre unique enfant. Avec lui et petit Kevin, je restais le seul homme Meehan, entouré de 4 filles. Je savais que seule ma mère nous retenait ensemble. Un jour, après sa mort, Roisin partirait. Et puis Mary et Anya. Petit Kevin et Sarah suivraient l'une d'elles comme une mère. Mais déjà, tandis que maman priait à voix folle, mes sœurs se cachaient de moi pour parler d'Australie, de Nouvelle-Zélande et même d'Angleterre. La bataille de la frontière était destinée à libérer des régions du nord de l'Irlande pour y installer les fondations d'une république provisoire. Ce fut un échec. Une fois encore, tout était à reconstruire. Killybegs, 26 décembre 2006. Le patron du Mullins n'a jamais été bienveillant avec moi. Mais depuis que les policiers m'ont rendu visite, il est devenu franchement hostile. Hier, après mon départ, il a déplacé la table ronde de mon père et planté le porte-manteau à sa place. Ce soir, il y avait du monde dans le pub lorsque je suis entré. Les têtes se sont tournées vers moi. Le silence. Derrière le bar, le serveur avait une moue de chien dégoûté. Ses bras croisés disaient que cet endroit n'était plus le mien. Ma survie se jouait. Cette chapelle sombre et aigre était l'ultime étape du chemin de croix de mon père, Patrick Meehan. Son dernier repère de vivant. C'est d'ici qu'il était parti pour s'en aller mourir en hiver. Si la mer l'avait pris, ce coin d'ombre aurait été sa tombe. Et je ne pouvais pas laisser ces gens la profaner. Sans un regard pour les regards, j'ai traversé le pub et enlevé mon imperméable. Je l'ai suspendu au porte-manteau que j'ai traîné à sa place habituelle de l'autre côté de la pièce, raclant le sol gras de ses pieds recourbés. Après, j'ai soulevé la table de mon père à deux bras, les mêmes que les siens, avec des poings au bout. J'ai pris une chaise empilée avec d'autres près de la porte. Je ne l'ai pas portée. Je l'ai traînée, elle aussi, lentement. Je l'ai calée dos au mur, comme elle l'était depuis mon enfance. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone portable et je l'ai mis à charger. Je prenais l'électricité là où elle se trouvait. Et puis je suis allé au bar. Deux Guinness. D'un coup, pas un mot, j'ai simplement tapoté deux fois le robinet de pression avec l'index. Le serveur a interrogé le patron d'un geste. L'autre a haussé les épaules, avant de disparaître à la cave pour changer un fût. Alors, le barman a tiré mes bières. Doucement. En trois fois. Avec soin. Il ne me quittait pas des yeux. J'avais le front levé, mais ne le défiais pas. J'étais Patrick Meehan, mon père, et Tyrone. La dignité de l'un et la faiblesse de l'autre. J'étais reposé. Je suis retourné à la table de mon père et j'ai bu la première bière d'un trait. Une pleine gorgée de terre. Le père Gibney observait mon reflet. Assis sur son tabouret, dos tourné à la salle, il m'avait suivi dans le miroir piqueté qui surplombe le bar. Seamus Gibney, un curé immense qui faisait le tour des pubs chaque jour après l'Angélus pour rappeler aux hommes qu'il y avait messe le dimanche. Il lui suffisait de lever la voix pour qu'une bagarre s'éteigne. Il s'est avancé vers moi. Je peux. Vous pouvez. Un vieil ami veut vous voir. Me voir. Et aussi vous entendre. M'entendre. Si vous le souhaitez, oui. Vous parlez de Josh. Il est devenu franciscain. Il vit dans un couvent à Aslon. Josh. Ici, on l'appelle le père Joseph Byrne. Il rentre au pays pour deux jours. Joseph Byrne. Le gamin qui chantait pour notre petite cohorte en lambeaux dans les tourbières de mon enfance. Josh le leprechaun. Le lutin qui disait les grâces. Qui priait pour nous. Qui avait tenu tête au fer gamblé sans jamais retrousser ses manches. Il veut vous rencontrer. Il m'a demandé de vous passer le message. Il veut me rencontrer. Mais pourquoi ? Pour faire quoi ? Rendez-vous à Sainte-Marie demain mercredi. J'ai dit oui, d'accord, évidemment. Pour le voir, pas pour être entendu. Pour être tout à fait certain que Dieu ne le martyrisait pas. Nous nous sommes retrouvés à l'église Sainte-Marie de la Visitation, sur le premier banc de bois, face à l'autel. Qui est assis à côté de moi ? Josh ou le père Joseph Byrne ? Qui voulais-tu rencontrer, Tyrone ? C'est toi qui voulais me parler. Alors, ce sera le père Byrne. C'est d'un ami dont j'ai besoin, pas d'un curé. Tu trembles, Tyrone. J'ai soif. Jésus n'aurait rien pu entreprendre sans Judas. C'est à moi que tu parles. À nous. Tu cherches quoi ? Je suis venu t'aider, Tyrone. Qui te dit que j'ai besoin d'aide ? Toi ? C'est pour ça que tu es revenu. Qui t'envoie ? L'enfant que tu étais. C'est lui qui m'envoie. Arrête ça, tu veux. Il n'y a que toi et moi ici. Donne-moi ton pardon et qu'on en finisse. C'est pas pour ça que tu m'as fait venir, père Byrne. Tyrone, je ne suis pas un distributeur d'absolution. Tu es un curé. Ton boulot, c'est de sauver mon âme dans ma peau. Comme tu as dû souffrir, mon ami. Dis ce que tu as à dire. J'ai toujours su que tu étais le plus brave d'entre nous. Le plus loyal aussi. C'est pour éprouver cette bravoure et cette loyauté que notre père t'a fait don de la trahison. Arrête ça, je t'ai dit. Ton pays avait besoin d'être trahi. Josh, putain, arrête. Comme tu avais besoin de le trahir. Jésus a demandé à Judas l'Iscariote de quitter la scène, tu te souviens? Il lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Je m'en vais. Attends. Comme le Christ avait besoin de l'Iscariote, ton pays avait besoin de toi. Le trahi et le traître sont pareillement douloureux, Tyrone. On peut aimer l'Irlande à en mourir ou l'aimer à en trahir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as trahi pour abréger cette guerre, pour que les souffrances de ton pays cessent. Qu'est-ce que tu sais de ma trahison, Josh? Tu en sais quoi? Tu as lu les journaux, c'est ça? Je te connais. Tu ne connais rien. La dernière fois que tu m'as vu, je ramassais de la tourbe et j'avais 15 ans. Mais tu as 15 ans, Tyrone Meehan. Donne-moi un peu de ta douleur. Partage cette épreuve. Fais-moi cette grâce. Fais de moi ton complice. Je n'ai pas parlé à Lyra, ni à Sheila, ni à personne. Ce n'est pas pour me confier à un moine qui rentre du Zimbabwe. Tu n'es pas en confession, tu es en affection, Tyrone. Je n'ai pas de ta pitié, Joseph Byrne. Ce n'est pas l'amitié qui me manque, c'est la dignité. J'ai trahi Josh. Et trahir, ça a été difficile, inhumain. Ça a été trop grand pour moi. Alors ne me demande pas pourquoi. Ce pourquoi, c'est tout ce qui me reste. Je te remercie, Tyrone. Tu me remercies. Et pourquoi tu me remercies? En m'offrant ta douleur, tu m'as demandé pardon. Alors, je te pardonne. Je partagerai ta tristesse, ta solitude et ta colère aussi. Tyrone Meehan. J'ai soupiré, j'ai secoué la tête. J'ai quitté la travée sans un salut pour le Christ, sans génuflexion, sans me signer. J'étais écœuré d'amour. C'était Retour à Killybegs de Sorge Chalandon avec Marc Barbet, Léo Allard, Robinson Stévenin, Hervé Furic, Fred Ulysse, Pascal Collin, Mathieu Rochevarger, Valentin de Carbonnière, Xavier Xapla, Philippe Bautier, Yvon Martin, Thomas Pontier. Merci au capitaine Basso et au personnel du camp de gendarmerie de Beynes. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard et Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Frédéric Changenet. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Retour à Killybegs est publié aux éditions Grasset. Retrouvez l'intégralité du générique sur le site de France Culture à la page des fictions.